Et c'est parti pour un film de la canon. Pour moi, ce sera American Warrior 2. Ce film est une pure Madeleine de Proust. En revanche, je ne l'avais pas revu depuis au moins 25 ans et quelle n'a pas été ma surprise. Je m'attendais à un nanar made in canon avec Michael Dudikoff, mais j'avais complètement oublié le côté jusqu'au-boutiste. Des dommages collatéraux à foison, des gamins froidement exécutés et un mépris complet d'un certain politiquement correct. Bon, pour le reste, ok, j'ai eu ce à quoi je m'attendais. Une sorte de version 80s des chasses du comte Zaroff. Évidemment, notre charismatique héros est un agent très spécial, le meilleur même, mais à la retraite, suite à un événement traumatisant. Les grands méchants, membres du... Ah, s'il vous plaît, ne rigolez pas. Pentangle, sont des politiciens d'extrême droite véreux et adeptes de la chasse à l'homme. Ils vont tuer le meilleur ami black de notre héros, ainsi que sa famille, et kidnapper sa petite sœur pour la revendre à de riches pédophiles. Mais plutôt que de tuer celui qui s'oppose à eux, ils préfèrent en faire leur nouvelle proie et jouer avec lui, ce qui, évidemment, leur sera fatal.